Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le micro explore le temps et remonte jusqu'à l'aube de l'humanité, de Lucie jusqu'à Toumaï. C'est l'histoire de nos origines, rien de moins, en toute modestie. Il y a 3 millions d'années, vivait dans l'Afar, une région qui aujourd'hui forme l'Éthiopie, un groupe d'Australopithèques afarensis. Donc, un mot barbare pour définir une espèce entre le singe et l'homme, une espèce qui marche déjà sur ses pattes arrière, qui chasse, cueille et vit dans la savane à l'est de l'Afrique. Et c'est dans ce désert d'Éthiopie qu'en novembre 1974, en fouillant les sols, trois chercheurs paléontologues, deux Français, Yves Coppens et Maurice Taïeb, et un Américain, Donald Johanson, vont faire une découverte extraordinaire qui marquera longtemps les sciences en cette fin de XXe siècle. 52 petits os appartenant au même squelette, celui de Lucie, petite jeune femme qui vivait il y a 3 millions d'années. Présentée comme notre grand-mère, Lucie est bientôt détrônée par deux nouveaux hominidés, découverts par un autre Français, Michel Brunet, et une équipe franco-tchadienne, mais plus à l'ouest, en plein désert du Tchad. Abel a 3 millions et demi d'années, mais Toumaï, lui, frôle les 7 millions d'années et devient ainsi l'australopithèque bipède le plus vieux, notre ancêtre, le vrai, dit-on. Enfin presque, parce que en paléontologie, les rivalités entre chercheurs sont terribles et les preuves difficilement vérifiables. Toumaï, d'après certains, par exemple, ne serait qu'une femelle gorille. Et pourtant, c'est de cette histoire que vient l'homme. D'une première démarche instable et émouvante, il a continué à marcher, à progresser, à tailler des pierres, à chasser, à garder, puis fabriquer le feu, à édifier les tombes et les temples, construire des huttes et des villages, penser, rêver. Inexorablement, l'homme a continué son avancée depuis 15 millions d'années. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Jean-Claude Amezen, médecin, immunologiste et chercheur français en biologie. Il est aussi président du comité consultatif national d'éthique et chaque samedi, pour les auditeurs de France Inter, à 11h, il est juché sur les épaules de Darwin. Nous ferons également une balade radiophonique au musée d'histoire naturelle à Paris avec pour guide la paléontologue Brigitte Senu. C'est un reportage de Gellor Van Wimersch. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Léa Dupouyenne-Quin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, lecture Philippe Pierrard, réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Chelius, à la technique aujourd'hui David Federman, Maxime Ingrand. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Aujourd'hui, à travers plein de mots imprononçables, nous allons évoquer quelques grandes étapes de l'évolution de l'homme, tenter de comprendre le phénomène biologique le plus intéressant que la Terre ait connu et tenter de répondre à la question qui lui est arrimée, comment l'homme est-il apparu sur cette planète ? Peut-on considérer qu'il existe de questions plus sensibles que celle-là ? D'abord parce qu'on parle de l'humanité, aussi parce qu'elle croise les religions. En tout cas, la façon dont l'homme a évolué depuis 3 millions d'années en inventant des outils, le langage, la domestication du feu, la construction des abris, la confection de vêtements, la récolte des céréales, la fonte du métal, l'élevage des animaux et bien d'autres choses encore, est fascinante. L'homme est l'aboutissement logique d'une très longue histoire, celle de la vie sur Terre. Une histoire qui a commencé il y a plus de 5 milliards d'années lorsque sont apparus les premiers êtres microscopiques, les premiers microbes dont on ne sait pas trop ni pourquoi ni comment ils sont apparus, n'en déplaise à ceux qui voient autre chose. C'est le résultat d'une chaîne continue, celle de l'évolution qui fait descendre un animal d'un autre animal qui a vécu avant lui. Alors, le problème qui se pose pour l'homme, c'est de savoir pourquoi il est apparu, comment et où. Qui étaient ses contemporains ou ceux qui l'ont précédé ? Hasard ou nécessité, quelle logique donner à ce fabuleux voyage dans le temps ? On sait maintenant que nous ne descendons pas du singe, mais que nous avons des ancêtres communs. Alors qui sont ces ancêtres ? Et comment sommes-nous descendus de ces ancêtres ? Quelle est notre place dans cette longue chaîne de l'évolution ? Voilà, c'est vers ces mystères qu'Affaires Sensibles nous amène aujourd'hui. Alors, redécouvrons nos ancêtres ou nos lointains cousins. Après tout, Lucie, Abel et Toumaï nous permettront peut-être de savoir d'où nous venons, ce que nous sommes et où nous allons. Quatre scientifiques de renom, Hubert Reeves, astrophysicien, Joël de René, président de la Cité des Sciences, Yves Coppens, paléontologue et découvreur de Lucie, ainsi que Dominique Simonet, journaliste, tentent d'y répondre dans un livre intitulé « La plus belle histoire du monde ». Écoutez leur interprétation. Jusqu'à présent, seule la religion, la foi, la croyance offrait une solution. Aujourd'hui, la science, elle aussi propose une solution au mystère de la création. C'est sûrement l'un des plus grands acquis du XXe siècle, elle dispose désormais d'un récit complet de nos origines. Et la science nous raconte une histoire extraordinaire. Nous sommes un élément de la grande aventure qui, depuis des milliards d'années, unit la vie et l'homme comme les chapitres d'une longue épopée. Pour reprendre les mots des scientifiques, les éléments qui composent notre corps sont ceux qui naguère fondèrent l'univers. Nous sommes donc les enfants des étoiles. Même aujourd'hui, l'idée dérange, car elle rebat les cartes et bat en brèche les anciennes certitudes, les arts de nos croyances, écorche nos préjugés. Nous nous croyons au centre du monde et nous croyons à sa platitude. Galilée et Copernic sont venus nous détromper. Nous qui pensions être des créatures originales, Darwin nous a perchés sur l'arbre commun de l'évolution animale. L'histoire est en marche, à nous de la lire, à nous de l'inventer tous les jours pour un futur plus grand, à nous de rêver. Yves Coppens nous ouvre la voie. L'histoire de nos ancêtres, comme Lucie, n'est que le dernier et très bref tronçon de la grande, longue, très longue histoire à laquelle nous appartenons. Mais ce dernier chapitre de 10 millions d'années est celui de notre indépendance, celui de l'individualisation du rameau de notre famille sur l'immense arbre de la vie. De manière sans doute bien schématique, nous nous sommes efforcés de situer aujourd'hui le long de cette dernière branche l'émergence des deux concepts si importants et si complémentaires du thème traité. Il y a 10 millions d'années, le premier hominidé, pour la première fois dans toute l'aventure de la vie, se redresse et découvre. Il y a 3 millions d'années, l'Afrique s'assèche, la savane s'ouvre, la prairie s'étend. Le premier homme, pour la première fois dans toute l'histoire du monde, découvre qu'il sait et crée. À Dar, Afrique de l'Est, il y a 3 millions d'années. C'est un matin doux et clair dans la vallée de l'Omo, au sud de ce pays que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie. Une zone de savane, quelques arbres et de hautes herbes d'où peut jaillir à tout moment les fauves et autres mauvaises surprises. Un groupe d'hominidés, appelons-les comme ça, plus tout à fait des singes mais pas encore des hommes, se déplace. Ils sont déjà redressés, ils avancent en se balançant sur leurs pattes arrière. Ils cherchent à manger, graines, tubercules, voire quelques rongeurs s'ils ont de la chance. Le groupe évolue dans l'acception physique et sportive du terme. Il évolue un peu éparpillé, à l'affût du moindre bruit. Le silence est coupé par le vent et le bruit d'une rivière proche. Il se dirige vers elle, un terrain plus propice pour la chasse. Arrivé sur les rives, le groupe s'écarte, chacun cherchant de quoi se nourrir. Un membre est resté derrière à regarder la rivière et le courant qui charrie, branchages et feuilles venant sûrement d'une zone plus boisée et plus lointaine. Que se passe-t-il ? Qu'imagine cet être se balançant sur ses jambes ? La rivière est dangereuse, d'énormes crocodiles peuvent s'y cacher et l'eau peut tout emporter. Mais une grosse branche vient taper la rive et notre hominidé, petit et fin, va tenter de s'approcher, essayer de ramasser ce qui semble être des fruits. Mais le courant s'éloigne, il éloigne la branche. Alors le petit être tombe dans l'eau, il est emporté par le courant. Entendant des cris, les autres se retournent et le voient pris dans les remous, s'éloigner puis disparaître. À Dar, Éthiopie, 24 novembre 1974... 3 millions d'années plus tard. Trois hommes et leur équipe franco-américaine creusent, fouillent, classent des ossements et fossiles arrachés au désert. Ces trois chercheurs paléo-anthropologues ou paléontologues, les Français Maurice Taïeb et Yves Coppens, ainsi que l'Américain Donald Johanson, savent qu'ils viennent de faire une découverte retentissante. Dans son journal, Donald Johanson écrit ce jour-là. En rentrant au camp de base, nous avons traversé une zone que nous n'avions pas encore prospectée. J'ai jeté un coup d'œil et il y avait cet os-là. Et quand j'ai regardé la pente sur laquelle il se trouvait, je pouvais voir un morceau de crâne, une partie importante de mâchoire, d'autres os. Ce n'était pas un singe. Au total, ce sont 52 ossements disséminés dans un petit ravin sur une dizaine de mètres qui sont collectés. Un mandibule, des morceaux de crâne, une partie du bassin et du fémur. Aucune pièce du puzzle n'est en double. Il s'agit bien du squelette d'un personnage complet et unique. Il en reste 40%, c'est beaucoup. Pour Yves Coppens, ce gisement est l'un des plus importants, non parce qu'il y aurait plusieurs hominidés, mais bien parce qu'avec les os trouvés, on va pouvoir estimer la taille, le poids, les proportions et surtout, avec les articulations, étudier son comportement en groupe, comprendre comment il vit. L'homme vit dans certains endroits en petits groupes que l'on peut estimer peut-être à 10 ou 15 personnes. L'homme, pour la première fois, abandonne son régime strictement végétarien et devient omnivore. Et ceci est extrêmement important puisque le fait d'ajouter de la viande l'entraîne à chasser, bien sûr. Et ce nouvel aspect de la vie de l'homme préhistorique le fait partir de l'endroit où il habite, le fait rechercher le gibier et entraîne une division du travail. Il apprend à communiquer avec les autres. Les premières datations et la faune associée au lieu de la découverte indiquent plus de 3 millions d'années. Les trois paléontologues, certains d'être face à une et même personne, la baptisent Lucy. Car en fêtant leur découverte, nos trois paléontologues écoutent une chanson des Beatles, « Lucy in the Sky with Diamonds », que certains esprits féconds ont baptisé LSD, acronyme arrangeant cette période psychédélique, sauf que Lennon lui-même, le compositeur de la chanson, a toujours dit que le titre lui a été inspiré par un dessin de son fils Julian. Bon, enfin c'est une autre histoire. Revenons à Lucy, avec cette question fondamentale. Qui est-elle et comment remonter son histoire ? La perception de nos origines bascule, et aussitôt l'autre grande question est posée, essentielle. À quelle espèce appartient Lucy ? C'est notre grand-mère à tous ou vient-elle d'une autre famille, ce qui en ferait une vague cousine d'une autre espèce ? Lucy va devenir le plus populaire des fossiles préhumains. Maurice Taïeb et Yves Coppens, les deux chercheurs français, expliquent ce travail d'équipe nécessaire pour découvrir le fossile. C'est parce qu'on a découvert le milieu de Lucy qu'on a dit qu'il y a peut-être là aussi des premiers hommes. On a pensé à un moment donné qu'elle ne pouvait pas être l'ancêtre de l'homme puisqu'elle se trouvait contemporaine de l'homme. Or, aujourd'hui, on vient de s'apercevoir, après l'avoir étudiée, qu'elle est beaucoup mieux, qu'elle est probablement l'ancêtre des Australopithèques et des hommes. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler presque Ève. C'est un petit bout de femme de 1,10 m environ, pesant une quarantaine de kilos. Le visage presque plat, une petite tête, elle serait donc morte noyée dans un lac ou une rivière à l'âge de 15 ans environ. Tiens, c'était notre histoire du début. Lucy nous a appris également, grâce aux articulations de ce genou, que les préhumains pouvaient être à la fois bipèdes et grimpeurs. Le squelette est identifié comme Australopithecus afarensis, Australopithèque, parce qu'elle fait partie de ces préhommes dont on ne sait pas encore lequel est notre ancêtre direct, et afarensis à cause de la région de l'Afar, en Éthiopie, où Coppens situe l'East Side Story, un concept dont il est l'inventeur et qui fixe le berceau de nos origines en Afrique, à l'est de la Rift Valley, ce fossé d'effondrement qui coupe l'Afrique du nord au sud, dans sa partie équatoriale. La partie ouest, sous influence atlantique, elle a gardé une végétation luxuriante, alors que la partie est, isolée des influences climatiques humides, est devenue plus sèche et plus aride. Selon Yves Coppens, cette coupure divisa nos ancêtres. Ceux de l'ouest vécurent dans les forêts, engendrèrent les chimpanzés, ceux de l'est en savane s'humanisèrent. Mais dans les années 80, après avoir été la star de la paléontologie humaine, Lucy tombe de son piédestal. D'autres squelettes sont découverts, plus anciens, mais plus proches de nous finalement. Ce sont des hommes, comme le Kenyan Australopithecus amensis, décrit en 1995. Celui-là a environ 4 millions d'années et sa bipédie est plus proche de la nôtre. C'est un coup terrible pour Lucy, d'autant que d'autres espèces contemporaines ou postérieures à elle démontrent que la famille des Australopithèques est bien plus diversifiée qu'on ne l'imaginait. Seul son découvreur américain, Donald Johanson, la défend et reste persuadé qu'elle est l'une de nos ancêtres. Pour Yves Coppens, Lucy fait partie d'une expérience évolutive distincte de la nôtre, adaptée certes à une forme de bipédie, mais encore largement dépendante des arbres. En 1999, Yves Coppens accorde une interview au journal Libération qui titre « En finir avec Lucy, qui ne serait ni la plus vieille femme du monde, ni notre ancêtre ». Et dans son livre intitulé « Le genou de Lucy », le célèbre paléontologue dénonce l'effet de mode créé par cette petite femelle de 1,10 m. Disons qu'il veut remettre les choses dans le bon sens. Lucy a rendu plus fort l'intérêt du public pour nos origines. Presque un effet de mode pour l'ancienneté de l'homme, dû peut-être à une certaine désaffection religieuse et des croyances et un appétit très fort pour l'histoire humaine. Certains vont même jusqu'à dire, comme ce chercheur de Zurich, que Lucy serait un homme et que nous aurions dû l'appeler Lucien, car son bassin ne serait pas féminin. Nous ne disposons que de deux bassins reconstituables, celui de Lucy et un autre trouvé en Afrique du Sud. Ces deux bassins se ressemblent, mais c'est vrai que nous ne connaissons pas de bassin masculin. Scientifiquement, nous sommes obligés de nous poser la question. De plus, le rôle du milieu est essentiel. Je me demande s'il n'intervient pas sur les gènes, sur leur adaptation. Des australopithèques, ancêtres de Lucie, ont développé une denture leur permettant de manger des graines et des fruits durs auxquels ils n'avaient pas accès avant. Une autre espèce d'australopithèque qui a donné naissance à l'homme, un ancêtre qui réfléchissait et qui s'en est tiré en mangeant des végétaux et de la viande, et devint omnivore. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Une nouvelle controverse naît sur le lieu de naissance de l'homme. La presse s'empare de l'affaire et titre « Le paléontologue Michel Brunet annonce la découverte d'un nouveau fossile d'hominidé au Tchad ». Ce frère aîné d'Abel, lui-même identifié par un mandibule en 1995, sème la zizanie. Lucie, dont une partie du squelette a été découverte en 1974 dans la vallée du Rift, ne serait plus notre seul aïeul. Les origines de l'homme pourraient ne pas être concentrées dans le seul Est africain, autrement dit en Éthiopie, ou au Kenya actuel. Abel conteste à Lucie son titre de grand-mère de l'humanité. Il retire à l'Afrique de l'Est son rang de berceau unique. Il ouvre un vaste terrain de jeu. Des zones de prospection et de fouilles s'étendent maintenant jusqu'à l'Afrique centrale. Mais quand a eu lieu la dernière dichotomie? Celle à partir de laquelle le rameau humain et le rameau des chimpanzés se sont séparés pour poursuivre séparément leur évolution. Où se situe cette dichotomie et pourquoi? Cela, Abel ne le disait pas. peut-être Toumaï nous livrera-t-il plus de secrets, d'informations sur nos origines. Certains australopithèques ont pu évoluer, après tout, hein, d'autres se séparer et mourir. Découvert en 2001 dans le désert de Djourab, à l'ouest du Tchad, Toumaï, dont le nom signifie « espoir de vie » en langue orane, c'est d'abord un crâne et un morceau de mandibule avec trois dents vieilles de 7 millions d'années. Il est donc, à ce jour, le plus ancien hominidé répertorié, autrement l'ancêtre le plus lointain de l'humanité. C'est en tout cas ce que les procédés de datation nous disent, mais c'est avec une grande marge d'erreur que doivent composer les paléontologues. Si la découverte de Toumaï, ce crâne d'hominidé retrouvé en plein désert de Djourab au Tchad, est un événement colossal pour le monde scientifique, c'est qu'il est incontestablement notre ancêtre le plus vieux connu à ce jour. 6 à 7 millions d'années, contre 3,3 millions d'années pour Abel, qui détenait jusque-là ce record. Pour Michel Brunet, le paléontologue qui a dirigé l'équipe de découvreurs, la datation de ce fossile serait fiable à seulement 1 million d'années près, ce qui en soi est extrêmement précis. Pourtant, aucune des méthodes dites directes ne peut être dans ce cas utilisée. La datation au carbone 14, qui a le mérite d'être particulièrement fiable, n'est employée que pour des fossiles de moins de 50 000 ans et celle de thermoluminescence ne s'applique que pour ceux de moins de 100 000 ans. Alors, quand les fossiles ont plusieurs millions d'années, c'est le contexte qui va lever le mystère de son âge et non le fossile lui-même. En Afrique de l'Est, ce sont les couches géologiques qui renferment les fossiles et le temps estimé pour leur formation qui vont donner des indications. Mais dans le cas de Toumaï, retrouvé à seulement quelques centimètres de la surface, dans ce désert de sable balayé par les vents, c'est la flore, mais surtout la faune, qui ont apporté toutes les réponses. La découverte de Toumaï par Michel Brunet ne fera pas seulement par l'âge des ossements fossiles, mais aussi par le lieu de la découverte, en plein désert, à l'ouest. Cette découverte rompt en effet avec la croyance largement répandue dans le milieu des paléontologues depuis les années 80 que le berceau de l'humanité se situe à l'est, selon la théorie de Yves Coppens, East Side Story. C'est l'apparition dans cette région du rift africain d'une cassure géologique apparue il y a 8 millions d'années qui aurait provoqué une modification du climat. La forêt équatoriale se serait alors transformée en savane, car moins soumise aux influences océaniques venant de l'ouest. Le rift aurait agi comme une barrière arrêtant les précipitations. Pour survivre dans un paysage modifié avec des arbres plus rares, de la savane et du désert, nos ancêtres se seraient transformés physiologiquement. Mais ce n'est pas la seule controverse. D'ailleurs, même Yves Coppens accepte que l'East Side Story soit battue en brèche. La science avance à partir de ses découvertes, c'est normal. On appelle ça le retour d'expérience, et c'est le contraire d'une religion qui, elle, nous assène une vérité obligatoire et intangible. Non, la polémique autour de Toumaï vient de la question de sa propre nature. Les analyses, les datations sont toujours l'objet de polémiques dans le domaine de l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qu'on observe autour de Toumaï et de son découvreur, le paléontologue français Michel Brunet, professeur à l'université de Poitiers et directeur du laboratoire de paléontologie humaine. Toumaï serait en fin de compte un singe. C'est du moins ce que soutient une autre grande équipe scientifique, appelons-la la franco-kenyane, composée de Brigitte Senu, professeure au Muséum d'Histoire Naturelle, et Martin Pickford, du Collège de France. En 2000, ils ont découvert notre ami Aurorine, vieux de 6 millions d'années, surnommé l'ancêtre du millénaire. Une dent, un fémur et des phalanges retrouvés à l'est au Kenya, et la traçabilité se dessine. Mais voilà qu'arrive Toumaï, qui lui dispute la place d'ancêtre de l'humanité, rien que ça. Chacune des deux équipes campe sur ses positions et affûte ses armes. Chacune pense détenir le plus ancien bipède hominidé. Et entre Michel Brunet et Brigitte Senu, les positions restent opposées. Si c'était un singe, on aurait une grande canine. Eh bien non, on a une petite canine. Si c'était un singe, la canine supérieure, elle aurait une crête aiguisoire postérieure. Eh bien non, là, il n'y a pas de crête. Donc, Toumaï appartient bien au rameau humain, il appartient bien à la famille humaine, groupe frère du groupe. Des chimpanzés. Chez Toumaï, un caractère que l'on voit bien, c'est la longueur de la racine de la canine, qui est une racine longue, comme on en trouve chez les grands singes du Miocène. Et ça, c'est pas du tout un caractère humain. À côté, la guerre froide fait figure d'aimable plaisanterie. Les fémurs d'Aurorine ont des formes humaines, tandis que Toumaï présente une face plate et surtout un trou occipital, là où la base du crâne repose sur la colonne vertébrale, en position avancée, ce qui prouve sa bipédie. La base du crâne ne permet pas de conclure à une bipédie, objecte Brigitte Senu, qui pense que Toumaï serait une paléogorie femelle. Michel Brunet et son équipe franco-tchadienne réfutent cet argument. Toumaï est sans conteste un mâle, avec son épée bourrelée susorbitaire et un hominidé avec sa petite canine supérieure. Ces critiques tiennent plus pour eux de la déception que de l'argumentation scientifique. Mais la polémique ne s'apaise pas. Yves Coppens monte au créneau pour défendre son ami Michel Brunet. Une découverte de 7 millions d'années dans notre propre histoire ou une histoire voisine, c'est suffisamment important pour qu'on ne s'attache pas à une petite dent supérieure ou inférieure, droite ou gauche. Et ça m'étonnerait fort qu'il y ait eu une erreur parce que Brunet est un homme de qualité et je ne vois pas faire une erreur pareille. Mais en tout cas, la question n'est vraiment pas là. C'est perdre l'essentiel et s'attaquer de manière extrêmement mesquine aux détails. Bon, Toumaï reste aujourd'hui le plus vieil ancêtre de l'homme. Bien, mais jusqu'à quand ? Une autre équipe dirigée par le professeur Tim White de l'université de Berkeley va publier les données obtenues après les analyses d'un squelette d'Ardipithecus cadaba, également candidat au titre d'ancêtre, trouvé en Éthiopie. Cette remontée dans le temps doit conduire les paléontologues à préciser la date du grand embranchement, cette séparation entre les grands singes et l'homme, sûrement aux alentours de 10 millions d'années. Michel Brunet nous l'explique. Toumaï est perché sur l'un des premiers barreaux de l'échelle historique de l'évolution humaine. Bien malgré lui, Toumaï a fait une entrée fracassante dans la galerie de portraits des anciens. Est-ce parce que les premières datations ont situé son âge aux alentours de 7 millions d'années, ce qui le place dans la position du doyen du rameau humain? Est-ce parce qu'il nous rapproche de la dernière dichotomie entre les chimpanzés et les hominidés? Est-ce tout simplement pour avoir osé jeter une ombre sur la gloire naissante d'Aurorin, 6 millions d'années, très opportunément porté au nu en janvier 2001 et surnommé par ses parents l'ancêtre du siècle? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Claude Amezen, dont je vous conseille la lecture des livres de la série Retrouver l'aube, son livre magnifique, et nous lui donnerons la parole dans 5 minutes. De nouvelles découvertes bouleversent l'histoire de nos origines. Nos ancêtres remontent encore le temps et les équipes de scientifiques pensent trouver des hominidés vers 10 à 12 millions d'années. Mais ce n'est pas tout. Des nouveaux fossiles sont retrouvés, de nouveaux sites exhumés. Les analyses ADN apportent maintenant de nouvelles pistes et analyses. Dans tous les domaines, des découvertes bouleversent le scénario de nos origines. Pour la revue Science et Vie, qui a mené une grande enquête sur le sujet, c'est toute l'histoire de l'homme qui est en train de s'écrire, depuis notre plus lointain ancêtre jusqu'à l'invention de l'écriture. Cette investigation, dirigée par Philippe Chambon, propose 4 découvertes qui viennent enrichir notre histoire qui serait bien plus longue que décrite jusqu'alors. Plusieurs de nos caractéristiques fondamentales, autant physiques, forme du crâne, bipédie, dentition que culturelle, écriture, art, pensée, existaient bien avant les dates jusque-là admises. Et le genre homo est plus important et divers que prévu. La première étape dans cette longue marche de l'humanité nous permet de dire aujourd'hui que nous ne descendons pas du singe, mais que l'homme est aussi un singe et que nous partageons un ancêtre commun avec les chimpanzés. C'est ce que racontent les plus vieux fossiles trouvés par les paléontologues, que ce soit Toumaï ou Aurorine aujourd'hui, et qui permettent de dresser le portrait de notre dernier ancêtre commun. La deuxième étape, c'est la découverte d'une nouvelle espèce d'homo à partir de l'ADN d'un fragment d'auriculaire retrouvé en Sibérie. Cette avancée a permis de révéler Denisova, une nouvelle lignée humaine contemporaine de Sapiens, Néandertal et autres Flores. Mais c'est avec l'écriture des hommes, les signes géométriques récurrents gravés sur des œufs d'autruche qu'on a fait un bond de 60 000 ans. Pour information, les signes sur les parois de la grotte Chauvet datent de 35 000 ans. Et enfin, les hommes auraient bâti des temples avant de construire des villages et des villes. Une chronologie habituelle fait apparaître les villages, puis les villes, donc le phénomène de sédentarisation et ensuite les nouveaux rapports humains et leur culte entre le 10e et le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Des fouilles ont permis de découvrir en Turquie, sur le site de Göbekli Tepe, les signes d'édification du premier temple connu en 9500 avant Jésus-Christ. Cette découverte importante ouvre encore plus le champ historique, puisque dès le début de la sédentarisation était fixée à moins 8000 ans et les premières villes construites autour de moins 4000 ans. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Concluons cette fantastique épopée avec Michel Brunet qui se fait visionnaire et défend le rôle de la science. 7 genres d'homo ont été identifiés à ce jour. Nous en découvrirons encore d'autres. Ce buissonnement des espèces humaines ne doit pas nous étonner. Pourquoi aurions-nous une histoire évolutive singulière? Seuls les néo-créationnistes de l'intelligent design peuvent imaginer cela au nom de leurs croyances. Ainsi ai-je entendu cette réponse lors d'un colloque à Paris. Il y a deux évolutions, l'une pour l'homme, l'autre pour les animaux. Nous savons depuis Charles Darwin qu'une telle affirmation est fausse. La paléontologie moderne revisite notre conception de l'histoire. L'ensemble des preuves de l'évolution du rameau humain nous replace au sein de la nature, à égalité avec les animaux. C'est l'une des vertus des fossiles et de la paléontologie. Véritable machine à remonter le temps, que de nous forcer à nous interroger pour sortir de nos conceptions auto-centrées, héritage de notre culture. Autrement dit, la science doit aider les jeunes à exercer leur esprit critique, c'est le patrimoine que les scientifiques doivent léguer. Renoncer à l'enseigner au nom d'un Dieu tout-puissant duquel tout procéderait revient à bâillonner la libre pensée, la libre recherche et au total, la démocratie. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai les prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré. J'espère que Yves Coppens et d'autres paléontologues ne se sont pas parlés dans ces termes, hein, si tu ne me crois pas, parce que vraiment, il y a eu controverse. Bonjour Jean-Claude Amezen. Bonjour. Alors, vous êtes autorisé, c'est exceptionnel, à me dire si, pendant le récit, peut-être, on s'est trompé un million d'années. Qu'est-ce que c'est un million d'années, après tout, hein? Donc voilà, c'est parce que c'est quand même une histoire très, très, très, très compliquée. Alors, on va considérer que... Bon, ce qu'on a raconté est la vérité. On peut y aller comme ça. En tout cas, le récit est tellement prenant et nous fait voyager à travers le temps que l'ensemble des dates n'a pas une importance considérable. Ce qui est très beau, c'est le voyage. Ah, c'est le voyage, bien sûr. Bon, enfin, s'il y a quelques petites imprécisions, n'hésitez pas. Cette histoire est effectivement passionnante, fascinante. On va commencer par la fin, si vous voulez bien. C'est-à-dire que en quoi cette histoire nous éclaire sur notre avenir? Et d'ailleurs, nous éclaire-t-elle sur notre avenir, après tout? Alors, je crois pas. Je crois que, vous savez ce qu'on dit, et j'y crois profondément, que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas envisager l'avenir, mais d'où on vient nous éclaire sur un certain nombre d'éléments, mais ne nous dit pas où on va. Ça élargit notre perspective, ça élargit notre réflexion, ça élargit notre questionnement, ça élargit notre imagination, mais l'avenir n'est pas écrit dans le passé. Alors, et quel souvenir avez-vous, un souvenir personnel de ce mois de novembre 1974, quand Yves Coppens et ses acolytes font cette découverte? Qu'est-ce que ça remue chez vous? Comme toutes ces découvertes, ce qui est très émouvant, je trouve, ce qui est bouleversant, c'est qu'à partir d'indices extrêmement ténus, hein, des fragments d'os, on est capable d'imaginer, de reconstruire, de réinventer toute une histoire. Et ça illustre, je crois, ce qu'il y a de très beau dans la démarche scientifique depuis la révolution darwinienne, hein, qui a introduit la contingence, qui a introduit les bouleversements, qui a fait que la science n'était pas, comme à l'époque de Newton, juste, n'avait pas comme seul objet d'étudier les régularités éternelles, les forces, les relations de causalité, mais qu'elle devait s'occuper de ce qui avait en permanence été métamorphosé. Et c'est l'entrée de l'histoire et du récit dans la science. À partir de Darwin, la science devient aussi un récit. Et dans le récit, il y a l'invention, il y a l'imagination, il y a, je dirais, une dimension artistique. Et donc, je trouve que ça, la découverte des fossiles, la découverte de Lucie, la découverte de Toumaï, rentre dans cette grande aventure de la science depuis plus de 150 ans, depuis la révolution darwinienne, qui est d'essayer de retracer un récit. Vous savez qu'il a fallu 80 ans entre la découverte la théorie darwinienne disant que le monde changeait perpétuellement et qu'hier était différent d'avant-hier et d'avant-avant-hier, avant que les astrophysiciens s'aperçoivent au début du XXe siècle qu'il en était de même pour l'univers et que l'univers n'était pas, comme on le croyait, à peu près identique en dehors du petit mouvement des planètes et des comètes depuis son émergence, mais qu'il n'avait cessé de se transformer. Et donc l'histoire de l'univers aussi a pris cette dimension historique et de récit. Et aller à la recherche des rayonnements fossiles, c'est un peu la même chose que d'aller à la recherche d'un squelette, d'un os, dans le désert ou dans le permafrost en Sibérie. Et donc je trouve c'est émouvant. Et puis il y a cette capacité, vous le disiez, de questionnement et de controverse et de remise et de retour en question, d'expérience, qui est le cœur de la science. Et bien sûr. Son honneur aussi d'ailleurs. Tout à fait. Et qui fait que, alors, reconstruire un passé dont personne n'a jamais été le témoin, c'est une aventure tout à fait extraordinaire. C'est pas un récit qui nous vient, comme avant, d'une tradition qui nous raconte ce qu'on nous a dit de ce qu'il y avait. C'est vraiment un récit que nous reconstruisons à partir du présent. Et le paradoxe de la science, de la révolution darwinienne et de la révolution de la science depuis 150 ans, c'est qu'elle a extraordinairement élargi notre passé. Et donc, vous l'avez cité, les 4 milliards d'années d'évolution de la vie, les 15 milliards d'années d'évolution de l'univers. Et donc, non seulement la science s'est mise à tenter d'écrire l'histoire du passé, mais ce passé, à mesure qu'elle tentait de l'écrire, est devenu de plus en plus considérable. Et il en est de même pour les origines de l'humanité. Et donc, c'est d'autant plus difficile à écrire et à reconstruire que l'étendue est vaste. Mais c'est passionnant, c'est extraordinaire. Bien sûr, et ce qui est passionnant aussi, ce sont les débats. Hein. Les débats, les controverses qui s'inscrivent dans le cœur de la science. Vous le disiez, c'est le retour de l'expérience. Et on a vu ça. Ah, mais finalement, ce qu'on a cru, eh ben, c'était pas ça. Alors, le débat, ça, c'est formidable. Le questionnement, la critique, c'est le cœur de la science depuis que la science existe. Il n'y a pas besoin que la science prenne cette dimension historique pour qu'elle soit le cœur de débat. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que là, c'est un débat sur un récit. C'est pas seulement un débat sur la nature des forces qui animent le monde et l'univers. C'est un débat sur le récit. Et donc, il y a quelque chose qui, là encore, n'est pas très éloigné de l'art. Hein. C'est construire un récit et savoir que, vous le disiez très bien, que les indices, les fossiles, les témoignages du passé sont toujours fragmentaires par rapport au récit qu'on souhaite construire. Donc il y a toujours de la place, non seulement parce qu'on déplace la signification des indices, mais parce qu'il y a énormément de place autour. Alors, on peut arriver aussi, effectivement, quand la science évolue dans son savoir, à ce que vous appelez des révolutions, qui sont aussi des ruptures. Darwin, c'est une rupture par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est une révolution. Alors là, pour le coup, la théorie de Darwin, elle tient encore, et elle tient bon, et celle-là, elle tiendra pas éternellement, comme quoi il y a quand même des ruptures, des forces scientifiques qui tiennent. Voilà, c'est une reconstruction. Il se trouve que c'est une rupture, mais comme l'évolution du vivant, c'est une rupture dans la continuité. Hein, c'est-à-dire que c'est une façon totalement différente d'organiser le savoir et de regarder le monde. Elle tient, je dirais même que c'est, pour moi, c'est, pour beaucoup d'autres, c'est la plus grande révolution des sciences du vivant moderne. C'est la plus grande révolution de la biologie moderne. Donc il n'y a pas d'interprétation du monde vivant qui existe aujourd'hui, qui ne soit pensée dans le cadre de la théorie darwinienne. Ce qui est intéressant, c'est que la théorie darwinienne elle-même évolue au cours du temps. Et donc il y a des dimensions aujourd'hui dans la théorie darwinienne que Darwin ne pouvait pas imaginer. Elle tient, ce que vous dites est très vrai si on regarde le passé, elle s'intégrera ou se transformera sans doute dans un avenir que personne ne peut prévoir en quelque chose d'autre. Au fond, si la recherche progresse et si la science progresse, eh bien c'est qu'elle nous réserve des surprises. Vous savez que François Jacob disait qu'on peut presque mesurer l'importance d'une découverte au degré de surprise qu'elle cause. Si c'est vraiment nouveau, disait-il, c'est inattendu. Et donc, un jour, si une grille de lecture remplace celle de Darwin, eh bien, elle sera inattendue, elle sera surprenante. Certes. On va aller faire une balade. Vous voulez faire une balade au musée d'histoire naturelle de Paris avec, pour guide, la paléontologue Brigitte Senu. Donc, c'est un reportage de Gaylor Van Wimersch. C'est une immersion dans cette forme de rêve qui rejoint la science. Muséum d'histoire naturelle, galerie d'anatomie comparée et de paléontologie. Une étendue gigantesque de squelettes. Devant nous, l'évolution des espèces animales et humaines. À l'entrée, un panneau. L'anatomie comparée étudie la forme et la fonction des organes, notamment du squelette. Elle permet d'estimer les degrés de parenté et de comprendre les adaptations des espèces animales. Si vous imaginez l'âge de la Terre de plusieurs milliards d'années, et vous empilez des feuilles de papier de la base au sommet de la tour Eiffel. Ça, c'est l'âge de la Terre. Et la dernière feuille au sommet, c'est la vie de l'homme. Ça donne une idée de la fugacité d'abord de l'espèce dans l'évolution, et ça relativise beaucoup de choses par rapport au temps. Brigitte Senu, professeure au muséum en paléontologie. Je travaille principalement sur la grande divergence entre les grands singes et l'homme. Alors là, derrière nous, on a un humain, des gorilles, des chimpanzés, orang-outans et de l'homme, qui font partie des hominoïdes. Les hominoïdes, c'est la superfamille actuelle qui rassemble chimpanzés, gorilles, qui sont des grands singes africains, orang-outans et gibbons, qui sont des grands singes asiatiques, et l'homme, qui fait partie de la même superfamille. Donc nous sommes très proches des grands singes. Et une chose que vous pouvez voir tout de suite, c'est que le pouce chez les grands singes, que ce soit le gorille ou l'orang-outan, ils sont très courts, alors que chez l'homme, le pouce est beaucoup plus long, ce qui va aider à la manipulation, à la saisie. Pour nous, c'est une galerie fabuleuse, parce qu'en tant que paléontologue, quand on a un fossile, il faut pouvoir le comparer. Et venir ici, eh bien, c'est d'avoir accès directement à la comparaison. Voilà, on va se trouver avec les lions, avec les ours, par exemple, voilà la hyène. L'homme a toujours été fasciné par son origine, parce qu'il trait à son passé lointain et proche à la fois. Je crois que c'est très psychologique tout ça, puisqu'on a un ancêtre commun, donc forcément travailler sur les singes anciens nous renseigne sur notre lignée. Et c'est ce qui nous permet de comprendre l'évolution. Galerie de paléontologie. Voilà, galerie de paléontologie, voilà. Alors Lucie se trouve là-bas avec les primates. Alors voilà, on se trouve en face de Lucie. Oui, de ce qui reste de son squelette déjà, de la replique de son squelette. Là à droite on a le squelette, et à gauche vous avez la reconstitution. Elle est quand même toute petite. Elle n'est pas très grande, elle mesure à peu près 1m05 à 1m10 maximum. Elle est bipède comme le montre son bassin. Son bassin est court et large. Elle marche sur ses deux pattes de manière certainement beaucoup plus fréquente que ne le faisaient ses ancêtres hominoïdes primitifs. Toutefois, elle n'est pas complètement comme nous. Notamment, son genou n'est pas aussi stabilisé que le nôtre. Et par contre, ses membres supérieurs, en proportion des membres inférieurs, sont un tout petit peu plus longs. Ce qui prouve qu'elle avait certainement encore une vie partiellement arboricole. Ça veut dire qu'elle vivait en partie dans les arbres? Absolument. C'est une femelle jeune adulte. On lui a donné un âge correspondant chez l'homme, on lui donnerait 18 ans. moi, je sais que la première fois que j'ai vu Lucie, c'était quand même un peu émouvant, quelque part. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, c'est vrai que c'était un peu émouvant. Tu l'as prise dans vos bras? Ben, bien sûr, je l'ai étudiée, donc forcément, je l'ai tournée sous toutes ses coutures. Forcément. Et ça a été dans la lignée de la ruée vers l'os. À partir des, c'est ce que dit Copin, je crois qu'il a tout à fait raison. À partir du moment où on a commencé à trouver en Afrique orientale, en Tanzanie, en Éthiopie, au Kenya, il y a une ruée vers ces gisements. Et puis à l'époque, on n'avait pas de squelette complet quasiment entre 50 000 ans et Lucie. Donc entre 3 millions et 50 000 ans, on n'avait rien de complet. Donc ça nous permettait pour la première fois d'avoir accès au mode de locomotion, au mode de vie, à la stature. On commençait à percer l'histoire des ancêtres anciens. Mandibule, mâchoire, maxillaire, humérus, crâne, squelette. Des grands singes à l'homme, de 15 à 3 millions d'années. Toute découverte est importante quand elle comble un vide dans nos connaissances. Parce que ce qui nous manque, c'est ce qui va se passer entre la première émergence des hominoïdes, là, peut-être aux alentours de 30 millions d'années, et puis les premiers australopithèques. Là, on n'a pas grand-chose. Enfin, on a des grands singes, beaucoup d'hominoïdes, mais on a très peu de matériel complet, pour une période qui fait quand même près de 10 millions d'années. Maintenant, l'autre chose qui me gêne aussi, c'est qu'on ne peut pas travailler partout. Moi, je sais où je voudrais aller travailler, mais pour des raisons géopolitiques, on ne peut pas y aller actuellement. Je pense notamment au Niger, la Mauritanie, c'est intéressant aussi. Toute l'Afrique occidentale, on ne connaît rien. On a quand même encore beaucoup d'interrogations. Afropithecus turkanensis, 16 à 18 millions d'années, Kenya. Morotopithecus boshopi, 15 à 17 millions d'années, Ouganda. Praeanthropus africanus, 4,2 millions d'années, Kenya. Lucie. Australopithecus anticus, 3 à 4 millions d'années, Éthiopie. Voilà, on va faire le point, Jacques Damézen, pour se quitter avec les idées à peu près claires dans cette histoire qu'on vient d'appeler la ruée vers l'os. C'est joli. Hein. Il y a 3 semaines d'ailleurs, on a fait une découverte intéressante en Éthiopie. Oui, 3 semaines à saisir. Hein. Oui, une mâchoire vieille de 2,8 millions d'années, pas très loin de, mais dans la lignée Homo, pas très loin de du lieu de la découverte de Lucie. Donc, moi, je crois il y a tout ce que vous avez évoqué, hein, qui sont les fossiles. Mmh. Il y a l'aventure, vous avez dit un mot tout à fait fascinante et moderne depuis 5 ans, qui révèle des aspects totalement inattendus de nos relations beaucoup plus récentes, hein, avec nos cousins ou nos ancêtres humains, qui est l'étude des microfossiles invisibles qu'est l'ADN. Oui, bien sûr. Et c'est ça révolutionne. Quelle révolution encore, tiens. Les relations, c'est ce qui a permis de montrer il y a moins de 5 ans que les hommes et les femmes de Néandertal n'étaient pas seulement nos cousins qui s'étaient séparés de nous depuis 600 000 ans, mais étaient aussi nos ancêtres il y a à peu près 60 000 ans. Et donc, c'est à la fois un rameau. Ouais. Dont les branches s'éloignent, et puis de temps en temps, elles se bouturent. Il y a même des travaux qui suggèrent que lors des premières séparations, à l'époque de Toumaï, entre les futurs chimpanzés et les futurs hominidés, il y a peut-être eu des bouturages pendant un certain temps. Donc c'est vraiment une histoire d'éloignement et de retour. Mais ce que je trouve le plus fascinant, peut-être si nous nous interrogeons sur ce que nous sommes, c'est les traces que nous retrouvons des cultures. Ah oui, c'est parce que justement, c'est les sculptures. Ça veut dire que l'homme est fondamentalement un être culturel, puisqu'avant la sédentarisation, on trouve des traces merveilleuses de culture dans les cavernes. C'est un lien culturel. Et là encore, on ne trouve que les traces qui persistent sur la pierre, sur des coquillages, mais tout ce qui a pu être fait sur du bois, sur des tissus a disparu. Donc cette marche vers l'art, cette marche vers les inventions, les premiers outils qui précèdent de très loin notre émergence. L'homme moderne, c'est il y a 200 000 ans. Les premiers outils de pierre, c'est il y a 2 millions et demi d'années. La domestication du feu, c'est il y a 750 000 ans. Donc c'est la marche vers nos ancêtres directs, cette très longue marche. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette apparition de l'art, des inventions, des techniques, et en même temps, sans doute, hein, puisqu'on le voit dans l'histoire plus récente, là où on a des témoignages, une très grande violence. Et donc je crois que ce que nous pouvons essayer d'apprendre, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, sur nos origines, c'est comment favoriser tout ce qui est du domaine de la création et comment nous séparer de cet ancien compagnonnage avec la violence exercée à l'égard des autres. Et donc essayer, j'allais dire, d'être des êtres humains créatifs, imaginatifs et pacifiques, et non pas de combiner ces inventions extraordinaires avec de la violence. Mais à partir de quel moment on pourrait dire que l'homme est devenu homme tel qu'on l'imagine, alors soit par l'apparence physique, soit justement par sa dimension culturelle ou inventive? C'est quoi? C'est à partir de la période homo, c'est là on peut... Ouais, c'est une façon de poser la question. Moi, ce que je trouve là encore très émouvant, c'est de poser la question autrement, c'est de se demander au cours de ces âges, combien de façons y a-t-il eu d'être humain? Combien de façons humaines y a-t-il eu de se voir, de voir les autres, de voir le monde? Et ce que nous révèle la paléoanthropologie, c'est qu'il y a eu différents rameaux, et nous ne savons rien sur la manière dont nos cousins et nos ancêtres voyaient le monde. Et donc je pense qu'il y a quelque chose de bouleversant dans le fait de se dire que nous sommes des êtres humains, nous avons des cultures humaines, mais nous ne savons rien de ce qu'ont été les cultures humaines, les visions humaines, les représentations humaines qui ont existé avant nous et autour de nous. Alors, vous ne lisez pas dans la boule de cristal, évidemment, mais quand vous dites « nous ne savons rien », ça veut dire que nous ne saurons rien. Et est-ce qu'on est arrivé finalement au bout de nos possibilités, mais avec l'ADN, avec des choses comme ça? Jamais, définition. Par exemple, les seules grottes qu'on connaissait, vous avez parlé de la grotte Chauvet, hein, peinte il y a 30 000 ans, 40 000 ans, étaient en Europe. Et on vient de découvrir cet automne, l'automne dernier, à la même date, des grottes peintes en Indonésie. Donc, c'est-à-dire, on ne saura jamais tout, c'est la recherche, mais on saura sans doute des choses qui nous étonneront dans quelques années quand on les découvrira. Mais je pense que les représentations, si vous voulez, l'ADN nous dit quelque chose d'un point de vue biologique, l'ADN ne nous dit rien des représentations mentales. Lorsque nous trouvons des œuvres d'art, des pigments, des bâtons de pigments d'il y a 300 000 ans, on voit qu'il y avait sans doute une vision artistique. Mais quelle était-elle? Il n'y a pas de trace. Et au-delà de ce qui était réalisé, qu'est-ce que c'était que d'être humain, encore une fois? Est-ce qu'il y avait un langage? De quelle sorte? De quel type? Quelles étaient les relations entre ces êtres humains? Nous ne le saurons sans doute jamais. Notre destin de ne pas le savoir non plus. Aussi. Oui, mais ce que la science nous a appris, c'est que cette question existe. Absolument. Et il n'y a pas longtemps encore, on pensait être les seuls êtres humains et cette question n'avait pas lieu d'être. Et je trouve que cette question nous enrichit. Elle nous enrichit dans la mesure où elle nous dit que notre façon de voir le monde n'est peut-être pas la seule. Et donc ça nous force à nous questionner, à nous ouvrir. Je vous épargnerai la question qui vient presque par réflexe quand on vous écoute. Et Dieu dans tout ça? Alors, vous savez... Bah oui, forcément. Einstein disait que la plus belle expérience que nous puissions faire, c'est celle du mystère. La source, disait-il, de tout vrai art et de toute vraie science. Et donc, dans ce sens, tout dépend, disait... je crois qu'on demandait à Einstein s'il croyait en Dieu. Il disait, tout dépend de ce que vous appelez, de ce que vous voulez dire par Dieu. Et donc, je crois que penser que nous ne connaîtrons jamais tout. Et donc, il y a du mystère autour de la connaissance. Une partie de ce mystère, c'est ce que la recherche de demain nous apprendra. Mais la recherche d'après-demain et d'après-après-demain, il y a toujours du mystère. Donner des noms, je dirais, ce qu'il y a de beau dans les spiritualités, c'est des façons, un peu comme dans l'art, dans la philosophie ou dans les sciences, des façons différentes d'appréhender la réalité. Le danger des religions, mais c'est vrai du danger de la science et c'est vrai du danger de certaines sciences humaines et sociales, c'est quand on en fait une grille de lecture qui est unique. Et imposée. Et dont on découle des conduites, dont on fait découler des conduites. Sinon, je veux dire, s'interroger, faire de la métaphysique, c'est une des façons d'enrichir notre appréciation de la réalité. Il me reste à vous remercier, Jean-Claude Amezen, à vous dire à samedi 11h sur l'antenne. Vous pouvez nous dire quel est le thème de l'émission ou c'est trop tôt? Non, ça sera sur la musique. Très bien. De la musique avant toute chose. Nous serons à l'écoute. Merci Jean-Claude, à bientôt. Merci à vous. C'était